السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dans les derniers durus de ce kitab que nous avons pris trois hadiths et qui étaient relatifs aux règles de l'héritage, certaines règles de l'héritage. أخذنا الحق والفرائض بأهلها فما بقي في فهو لأولى رجل ذكر que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné les parts d'héritage aux ayants droit et ce qui reste c'est pour les asaba, les hommes proches et chacun en fonction de sa proximité. Et l'autre hadith, إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّ لِوَارِثِهِ que Allah a donné à chacun son droit, c'est-à-dire dans l'héritage, et qu'il n'est pas permis de faire le testament pour un héritier. On expliquait qu'est-ce que cela voulait dire. D'accord ? Qu'il n'était pas permis de faire un héritage, un testament, on va dire, pour un héritier. Wa khazna hadith kadhalik Abi Huraira qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salasatun haqqun 'ala Allah a'unuhum al-mukatib yurid al-ada wal-mutazawwij yurid al-'afaf wal-mujahidu fi sabilillah. Il a dit qu'il y a trois personnes sur qui il est un devoir d'Allah Azzawajal de les assister. Le premier, c'est le mukatib, c'est l'esclave qui se rachète. D'accord ? L'esclave qui se rachète, Allah Azzawajal va l'assister pour pouvoir payer ce rachat. Il y a celui qui se marie pour pouvoir rester chaste. Allah Azzawajal va l'assister dans ce mariage pour les dépenses dont il aura besoin. Et le troisième, c'est le mujahid fi sabilillah. Et le mujahid fi sabilillah, c'est celui qui lutte soit de façon armée, comme le djihad de base qui est connu, ou soit le mujahid qui lutte, comme par exemple dans le ilm, ou ce genre de choses. Ça rentre également dans le djihad. Naam. Tayyib. Al-an akhouz al-hadith al-tasir wal-arba'in. 49e hadith. An Aishata radiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yahrumu min al-rada'ati, ما يحرم من الولادة متفق عليه. عائشة a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que l'allaitement rend interdit ce que rend interdit la filiation par naissance. Tayyib, l'allaitement rendra interdit ce que rend interdit l'affiliation par naissance. يقول المصنف رحمه الله تعالى وذلك أن المحرمات من النصب بنص القرآن والإجماع الأمهات وإن علونا من كل جهة والبنات وإن نزلنا من كل جهة والأخوات مطلقة وبنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلنا والعمات والخالات. Car dans la religion, les femmes qui sont interdites, c'est-à-dire d'avoir le mariage avec elles. Et là, c'est l'interdiction absolue, car des fois, il y a une interdiction qui, elle, est temporaire. D'accord ? Elle n'est pas dans l'absolu. Là, on parle des femmes interdites dans l'absolu. Et ce sont les femmes qui sont citées dans le Coran, selon l'unanimité également. Il s'agit des mères. Les mères, il n'est pas permis de se marier avec elles. Et quand on parle des mères, on parle également de tout ce qui est grand-mère. Ça prend le jugement de la mère. D'accord ? Naam. Également les filles. Et même si cela concerne leur descendance, les petites filles, ça prend le jugement des filles. Il y a les nièces. D'accord ? Qu'il s'agisse des nièces des frères ou des sœurs. Les nièces, elles sont interdites. Il y a les tantes, qu'elles soient paternelles ou maternelles. Les vraies, hein. Pas celle qu'on appelle amati ou khalati comme ça, comme on nous a appris à faire depuis petit, tonton, tati, pour des femmes qui en réalité n'ont aucune parenté avec nous, jusqu'à elles étaient proches des parents. Les vraies tantes, d'accord ? Les vraies tantes, qui sont les sœurs de nos parents, d'accord ? Celles-ci, ou les sœurs de nos grands-parents, d'accord ? Sont nos tantes, et celles-ci, elles nous sont interdites. et else dans l'absolu. C'est-à-dire que l'homme a le droit de s'isoler avec elle, ou même de les toucher, c'est-à-dire serrer la main, ou s'il veut les embrasser de façon convenable, de voyager avec elle, d'accord ? Ah va, ces femmes-là sont interdites dans l'absolu, à tout jamais. Et il y en a d'autres qui sont interdites temporairement pour une raison. D'accord ? Il y en a d'autres qui sont interdites temporairement pour une raison. Et ça, c'est un autre jugement. Naam. يقول فجميع القربات حرام إلى بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. Donc il dit toutes les femmes. Ah, faut مشغول مشغول مشغول. فجميع القربات جميع القربات حرام إلى بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. Donc toutes les femmes parmi les proches sont interdite, hormis, مثلاً, les cousines. Les cousines, elles sont des proches dans la famille, mais elles ne sont pas interdites. La fille de ton oncle ou de ta tante, qui soit paternelle ou maternelle, celle-ci, elle est un de tes proches, mais le mariage avec elle est permis. Donc, tu n'es pas mahram pour elle. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Toutes les femmes proches de la famille sont des maharim à part les cousines. وهذه السبع محرمات في رضاع من جهة المرضعة وصاحب اللبن إذا كان الرضع والرضاع خمس رضاعات فأكثر في الحولين. Que celle-ci par contre, à quel moment pourront devenir interdites dans l'absolu, c'est si jamais elle venait à être allaitée par un de tes parents. Enfin, un de tes parents, ta mère, quoi. Bien sûr. Ta cousine te deviendrait alors, à ce moment-là, comme une sœur. Comme une sœur. Comme une fille. Comme une tante. Comme une mère. Comme une grand-mère, ainsi de suite. Je parle dans les relations par rapport au tahrim. Elle prendrait le même jugement. وأما من جهة أقارب الرضيع فإن التحريم يختص بذرية الرضيع وأما أبوه من النصب وأمه وأصولهم وفروعهم فلا تتعلق لهم بالتحريم. Par contre, concernant les proches de celui qui a été allaité, alors il faut savoir que ces règles ne touchent qu'à sa descendance, lui et sa descendance. Par exemple, un homme s'appelle Zayd. D'accord ? Un homme s'appelle Zayd. Et Zayd a été مثلاً, allaité par une femme qui s'appelle Fatima. D'accord ? Et Fatima, elle a des filles. Elle a des filles. Elle a des tantes. Et ainsi de suite. Donc, Zayd, à ce moment-là, s'il a été allaité par Fatima, dans son enfance, c'est-à-dire dans les deux premières années, et cinq fois, d'accord, cinq fois et cinq allaitements qui rassasient, alors Zayd prendra le jugement comme s'il était un fils de Fatima avec toute sa famille. Ça veut dire que Zayd sera comme un frère pour les filles de Fatima. Il pourra les toucher, il pourra rester avec elles, sans mahram pour elles. Elles seront interdites de mariage avec lui à tout jamais. D'accord ? Avec les tantes de Fatima également. Avec les grands-mères de Fatima. Avec les petites filles de Fatima. D'accord ? Mais cela n'est valable que pour Zayd. Par exemple, si Zayd avait des frères et des sœurs, eux n'ont pas dans ce jugement-là. cela n'est valable que pour Zayd. D'accord ? Que pour Zayd. Zayd et également sa descendance. Zayd et également sa descendance. C'est-à-dire, si jamais demain Zayd a des enfants lui aussi, et bien ses enfants rentreront dans le jugement comme si c'était des petits-enfants de Fatima. Et ainsi de suite. Mais les proches de Zayd, eux, ne sont pas concernés. D'accord ? Les proches de Zayd ne sont pas concernés. يقول وكذلك يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النصب ومثل ذلك في الرضاع. Par exemple, il a dit, il est interdit justement de joindre entre deux sœurs. On ne peut pas se marier avec deux sœurs en même temps. D'accord ? Quand on est marié avec une sœur, eh ben la deuxième, elle devient interdite tant qu'on est marié avec la première. Donc elle a elle est interdite, mais tu n'es pas mahram pour elle. C'est juste une interdiction temporaire, comme vous disiez tout à l'heure. C'est pas une interdiction mutlaqan, comme la sœur ou comme la tante ou comme la grand-mère ou autre. C'est juste l'interdiction, c'est la cause, c'est que tu es déjà avec la sœur. Donc si tu es avec une sœur, tu peux pas prendre un deuxième avec elle en même temps. D'accord ? Et pareil, comme dans un hadith qui est venu, tu ne peux pas prendre une femme et sa tante en même temps. Tu ne peux pas te marier avec une femme et sa tante en même temps. Mais tu n'es pas mahram pour sa tante. C'est juste qu'à cause de ton mariage avec la nièce, cela t'interdit de te marier avec la tante tant que tu es avec la nièce. Tu ne peux pas jouer entre les deux en même temps. Mais tu n'es pas mahram pour la tante. Eh bien, c'est pareil pour l'allaitement. Zayd, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, est-ce qu'on a un autre exemple que Zayd? Par exemple, voilà, Fatima, la mère d'allaitement, elle a allaité Aïcha, par exemple, également. Une fille s'appelle Aïcha, elle était allaitée par Fatima. Et Fatima, comment dirais-je? Fatima a marié sa fille, sa vraie fille, à un homme. Fatima, elle était Aïcha, elle avait des filles également à elle. Et l'une de ses filles s'est mariée avec un homme. Et bien cet homme-là n'aura pas le droit de se marier avec une de ses filles, avec Aïcha en même temps. Car Aïcha, maintenant, prend le jugement d'une sœur. D'une sœur des filles de Fatima. Il ne pourra pas joindre entre Aïcha et l'une des filles de Fatima en même temps. Soit l'une, soit l'autre. Pourtant, Aïcha n'est pas la fille biologique de Fatima, mais elle est sa fille de lait. Donc, elle prend le jugement de sa fille biologique. D'accord ? Et pareil pour la tante. D'accord ? Mathalen, il ne pourra pas... Mathalen, quelqu'un qui se marie avec Aïcha, un autre exemple, un homme se marie avec Aïcha, il ne pourra pas se marier en même temps avec l'une des sœurs de Fatima. D'accord ? Sa mère de lait, elle a des sœurs à elle. Donc ses sœurs à elle sont des quoi ? Elles sont des tantes pour Aïcha. Et bien cet homme-là qui va se marier maintenant avec Aïcha ne pourra pas se marier avec les sœurs de Fatima en même temps que Aïcha. Tant qu'il est avec Aïcha, il prend ni les filles de Fatima avec elle, ni il ne prend les tantes de Aïcha avec elle. Du moins les tantes de lait. Ni les tantes biologiques, ni les tantes de lait. D'accord ? Ça prend le même jugement. Donc c'est ça que veut dire le hadith. Que l'allaitement fait appliquer les règles de la filiation biologique. Mais ça ne concerne que l'enfant allaité. D'accord ? Ça ne concerne pas toute sa famille. Ça ne concerne que l'enfant allaité et sa descendance. Après, maintenant, c'est une pratique qu'aujourd'hui, on ne voit presque pas. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui allaitent. et ou qui font allaiter leurs enfants par autrui. Il n'y a plus de nourrice comme avant. Sans quoi, avant, c'est une chose qui était réputée et qui était répandue. Donc, ils faisaient très attention à cela. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a une époque où les femmes n'allaitent plus. Et si elles allaitent, elles n'ont pas forcément de nourrice qui, elles, allaitent. Il se peut qu'elles aient une nourrice qui s'occupe, par exemple, de l'enfant, mais elle allaite pas. Elles vont donner du biberon ou du lait en poudre, malheureusement. Et ça, c'est des choses qui permettent de créer des relations et d'élargir. Ça donne des maharim pour la fille, par exemple. Il se peut que la fille soit une fille unique d'une femme, et ben du fait qu'elle était allaitée par une autre dame qui, elle, avait des fils, et ben elle a des maharim, mashallah, après ça. Elle a des hommes qui peuvent la protéger, par exemple, et voyager avec elle et servir de support, de soutien. Mais malheureusement, cette pratique-là, elle est très négligée et délaissée. Qui est l'allaitement et la nourrice. Et d'ailleurs, le ulama, Ibn al-Qayyim, lui, il préconisait que la mère, lorsqu'elle vient d'accoucher, lorsque la femme vient d'accoucher, le meilleur, c'est que elle n'allaite pas son enfant directement, mais que l'enfant, à sa naissance, soit allaité par quelqu'un d'autre. Car il dit que le liquide qui sort du sein de la mère après la naissance, il n'est pas bon. Donc, vaut mieux qu'on lui donne le lait d'une nourrice, quoi. Une femme qui allaite. Une femme qui, elle, a déjà enfanté il y a peu de temps et qui est porteuse de lait, eh bien, qu'elle donne de ce lait à ce nouveau-né. Malheureusement, aujourd'hui, l'enfant, il est pris et directement, il est mis au biberon. Dans les hôpitaux et autres. Voilà, Moustar. Taïb. Summa qala fil hadith al-khamsin. 50e hadith. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم. Donc selon Abu Huraira il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que le musulman ne peut pas détester une croyante dans l'absolu. Si jamais il y a des choses qui lui déplaisent, il en trouvera d'autres qui lui plairont. Apporté par musulman. Naam. Et ça, c'est un hadith qui est très important à se rappeler pour les hommes mariés, de devoir relativiser dans leur relation avec leurs épouses et de rester positif autant que possible. De ne pas faire qu'un défaut ou deux défauts viennent à supprimer et faire oublier 20 qualités. Ou même, ça peut être 10 défauts qui viennent pour faire oublier une qualité qui, elle, peut-être serait immense et qui en vaudrait je ne sais pas combien. Faut peser le pour et le contre. Rester relatif et ne pas rester catégorique. نعم قال هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر أسباب والدواعي لحسن العشرة بالمعروف. Donc ce hadith vient pour justement être une forme de directive pour que l'homme puisse le mieux possible assumer une bonne relation avec son épouse dans le convenable. فنهى المؤمن عن سوء عشرة لزوجته والنهي عن الشيء أمر بضده. Et donc cela est venu pour interdire le croyant de mal se comporter envers son épouse. Et l'interdiction d'une chose vient pour ordonner son opposé. Si on t'interdit d'être mauvais, c'est qu'on t'ordonne d'être bon. Donc, cela amène à ce que l'homme doive être perspicace et apprendre à connaître son épouse. Elle aura des défauts, mais elle aura des qualités. Elle aura des défauts, elle aura des qualités. L'être humain, on est comme ça. La perfection, c'est une sifat d'Allah Azzawajal, pas de l'être humain. Qu'elles soient des qualités ou des défauts physiques ou comportementaux. Tout cela, personne n'y échappe. D'accord ? Si ce n'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, était l'exemple du comportement à avoir pour l'être humain. C'était le modèle. Après, il est resté un être humain. Il pouvait être amené à oublier. Il pouvait amener à tomber malade. Il était amené à ignorer des choses. En dehors de ce que Allah Azzawajal lui révélait, il y a des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas. Bien évidemment. Malgré cela, il avait le meilleur des comportements. Certes. Mais qui est de cette menzila aujourd'hui? Personne. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, cela n'est pas une excuse pour faire l'effort de s'en rapprocher le plus. Donc, l'homme doit rester, comme on l'a expliqué, clairvoyant et se rappeler que si aujourd'hui il se dispute avec son épouse pour une raison X, qu'il se peut que demain il se réconcilie avec elle pour une raison Y. Mais l'alphabet est toujours là. A, B, C, D, jusqu'à la fin, jusqu'à Z, c'est toujours là, les lettres sont toutes là. Un jour c'est X, un jour c'est Z, un jour c'est F, un jour c'est B, un jour c'est M, un jour c'est L. On ne sort pas de l'alphabet dans la relation. Donc faut pas que X te fasse oublier Z, ou que Z te fasse oublier P, et ainsi de suite. Qu'au moment, par exemple, où il y a des réprimandes, des remontrances, dans la colère, c'est sûr, tu vas voir que les défauts, ça c'est humain. Quand on se dispute avec quelqu'un, même entre amis, dans la colère, on a tendance à ne voir que les défauts. Shaitan, il vient et il te montre que les défauts comme ça, il veut que tu arrives à une rupture de relation avec la personne. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Adar Rajul, quand il est là, tardab, ne te mets pas en colère. Qu'il y a une colère. La colère t'emmène à devenir inéquitable, à devenir injuste, et à rentrer dans l'excès. Donc toi, tu restes raisonnable, autant que possible. Tu restes équitable. Comme quand Allah Azza wa Jal, ou ils écoutent tout me faire adilou, ou alors qu'on a zakurba. Si jamais vous parlez, alors soyez équitable. Juste, même s'il s'agit d'approche parent. Faut rester équitable. Donc même dans la colère, tu vas te disputer avec ton épouse, d'accord, sur un sujet. Sache que tu vas disputer pour elle, pour une raison qui peut être valable, mais que cette raison-là ne te fasse pas te faire croire que cette femme-là n'a que ce mal que tu lui reproches à ce moment-là. On trouve hier, tu rigolais avec elle. Ou hier, où tu as passé des moments intimes avec elle, ainsi de suite. Faut pas l'oublier, ça. Donc au moment où tu la réprimandes ou quoi, tu la réprimandes sur ce point-là. D'accord ? Sur ce point-là. Sans oublier qu'elle est ton épouse et que, biznillah ta'ala, par la suite, si elle se rectifie, elle se corrige, khalas, elle te demande pardon, tu lui pardonnes. Tu ne restes pas dans la rancune et dans le higd, comme on dit. J'oublie pas, je pardonne pas. Là, adama asla hada. Allah Azza wa Jalla l'a bien dit, que si jamais vous pardonnez, vous passez outre, et que vous êtes vous graciez, que Allah est pardonneur également, miséricordieux. Est-ce que vous n'aimez pas qu'Allah vous pardonne également? Il faut savoir pardonner pour qu'Allah nous pardonne également. Donc faire l'homme rigide, strict, impartial, dans ces situations-là, c'est pas bon. L'erreur a été commise, elle a été reconnue, elle a été rectifiée, voilà, ça passe à autre chose. Car demain, c'est elle qui fait l'erreur, après demain, ça va être toi. Ça va être toi. Et ça peut être même pas forcément avec elle, avec d'autres personnes. Toi, tu n'aimerais pas que demain, t'as fait une erreur avec un proche, avec un frère, avec ta mère, avec quelqu'un, tu demandes pardon, tu n'aimerais pas qu'on te pardonne? Si, bah toi pareil, pardonne aux autres. Tu n'aimerais pas qu'on soit relatif avec toi? Si, eh bien, soit relatif avec les autres. Et là, ce hadith-là, il parle principalement de la femme, de l'épouse. Après, naam, malgré tout, cela ne veut pas dire que les couples n'arrivent jamais, des fois, à un stade de non-retour. Il y a des fois, il y a un stade de non-retour. Même si le mari a des qualités et des défauts, la femme a des qualités et des défauts, des fois, l'entente entre les deux, ça ne coordonne pas du tout. À ce moment-là, il passe à l'étape de la séparation. Ça, c'est une chose qui est légiférée. Là, c'est en cas de dernier recours. D'accord ? Là, on parle de choses qui n'arrivent pas à ce stade-là. Et justement, ce hadith-là est parmi les causes qui évitent justement d'arriver à ce stade-là. T'en as pour le moindre défaut de leur femme, ils veulent la divorcer. Le moindre défaut qu'elle a, ils veulent la divorcer. Donc le hadith te rappelle que si jamais tu as un côté en elle qui te déplaît, tu en auras d'autres qui te plaira. Ensuite, bien sûr, faut, comme on l'a expliqué, regarder les mains faciles ou les mains sans aller. Il faut regarder les avantages et les inconvénients. Il se peut que ces défauts te nuisent plus que tu profites de ses qualités. Là, d'accord. Là, c'est une autre chose. C'est possible. Tu dis, c'est vrai, la sœur, elle a des qualités, je reconnais, alhamdoulilah, elle a ci, ça. Mais ces défauts, pour moi, c'est une chose, ça me nuit. Même dans ma religion, ça me nuit. Dans mes relations avec ma famille, ça me nuit. Et je vois que, voilà, il serait mieux que je me sépare d'elle, par exemple. Après avoir bien réfléchi, après avoir demandé dans siha et tout, la ouzalik. D'accord ? La ouzalik. Lakin billati yahsan. Se séparer en bonne et due forme. Justement, ce hadith-là également empêchera de divorcer en la faisant passer comme si elle était un ennemi de guerre et qu'il faut absolument la détruire et la pulvériser. Non. Toi, demain, tu n'es plus avec elle, tu voudras te remarier. Tfadal. Elle aussi, laisse-lui les portes ouvertes pour qu'elle puisse se remarier. Tous les deux, ça n'a pas collé, quand dans la marche à Farel, mais ça collera peut-être avec quelqu'un d'autre. Elle trouvera un autre mari qui sera plus approprié à ses attentes et à son caractère. Et toi, pareil. Et quand ça rentre dans le divorce et que tout le monde se fait la misère à se piétine, et le mari met en garde contre l'ex-femme, c'est une ceci, c'est une cela, c'est une... attention, elle ne vous mariez pas avec elle. Non, il n'y a pas lieu de faire ça. Et pour le mari, pareil. Lui, c'est mon ex-mari, c'est un ceci, c'est un cela, dada, et hop. Classe. C'est... mise en garde, encore pire que si vous êtes mise en garde contre un innovateur. C'est, voilà. Et là, c'est quoi? C'est de la rancune, ça. On n'arrive pas à ce stade-là. On n'arrive pas à ce stade-là. D'accord? Et là, on reste, bien sûr, dans les défauts qui ne sont pas liés, par exemple, aux farches. Par exemple, t'as une femme, sallallahu alayhi wa sallam, qui est une fornicatrice. Par exemple, là, c'est autre chose. Ou tu es un mari, c'est un homme dangereux. Concrètement, il est vraiment dangereux dans le sens il est violent, il est nuisible. Là, c'est autre chose. Là, ce sont des cas extrêmes. Mais on n'est pas là. D'accord ? On n'est pas là. Et là, on parle de choses d'un manque d'harmonie dans les relations par rapport au comportement. D'accord ? Des choses humaines. Des choses humaines. Pas des excès et des injustices à outrance. On parle pas de ça. Donc, l'auteur a dit que les gens dans ce domaine-là sont de trois catégories. Yaqul, a'lahum man lahadha al-akhlaq al-jamila wal-mahasin wa arda an al-masawi bil-kulliya wa tanasaha. Donc, la première catégorie, ce sont les meilleurs. Ce sont ceux qui ont su repérer les bons comportements, d'accord, et les qualités de cette femme, et qui ont su fermer les yeux sur les défauts et les oublier. Ça, ce sont les meilleurs. Mais eux, alhamdoulilah, ils se sentiront mieux avec leurs épouses. Après, troisième, وَأَقَلُّهُمْ تَوْفِيقًا وَإِمَانًا وَخَلَاقًا مَنْ عَكَسَ الْقَدِيَّةِ فَأَحْدَرَ الْمَحَاسِينَ مهما كانت وجعل المساوية نصب عينيه وربما مددها وبسطها وفصلها بظنون وتأويلات تجهل القليل الكثير كما هو الواقع. Deuxième catégorie, ce sont les hommes qui eux ont le moins de tawfiq et ont aussi qui ont moins de foi. Ils ont la foi elle est basse, ces gens-là. et qui ont le moins de comportements. Ce sont lesquels ? Eux, c'est le contraire. Eux, ils ont complètement oublié les défauts, les qualités, d'accord ? Les avantages de cette femme-là, ils ne voient rien de tout cela. Ils voient que ses défauts. Ils voient même qu'ils les abusent. Ils voient qu'il n'y a que ça. D'accord ? Ils voient qu'il n'y a que ça. Ils voient même, ils exagèrent, ils les amplifient avec des interprétations de leur tête et des suspicions fausses. Des fausses déductions. Et il dit que malheureusement, ces cas-là sont les plus fréquents. T'en as des fois, ils font preuve d'une jalousie excessive. Pour rien. Et ils en arrivent à suspecter leur femme alors qu'elles n'ont rien fait. Le moindre truc, tu les vois avec leur femme comme des tortionnaires. Même, je crois, les gardes du corps avec les stars, ils ne sont pas aussi accrochés et à guetter. Tu vois le regard du mari sur la femme, il la scrute dès qu'ils sont dans la rue. Là, c'est pas un regard, c'est un scanner. Des pieds à la tête, ses yeux sont braqués sur elle. Qu'est-ce qu'il regarde? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois? Pour rien. Alhamdoulilah, elle sort, elle est couverte, elle n'est pas connue pour des choses mauvaises, elle fait attention à elle. Là, le moins ne faut pas, là, c'est tombe sur elle. Subhanallah. Ça, c'est mahroum min al rifq ou min al rahma. Faut pas oublier, c'est ton épouse. Ce n'est pas ton mouton. C'est un être humain. Et si jamais tu la serres trop, tu vas l'étouffer. Et aussi un rappel à ces gens-là, à ses frères. Tu t'es marié avec elle, avec l'accord de son wali. Là, on parle dans ceux qui sont mariés de façon légiférée. Avec son wali. Son wali, c'est-à-dire quoi? Qui t'a agréé comme étant un homme apte à pouvoir vivre avec sa fille. Donc, aie un peu de respect pour le wali, également dans ton comportement. Car au moment où tu as fait la demande, tu étais content qu'il t'ait dit oui. Vous êtes d'accord sur un mahr. Peut-être même qu'il t'a facilité. Et après, tu arrives, tu te mets avec sa fille, tu étais un tortionnaire avec elle. Ça, c'est Adam Ertiram, l'Aulia. Manque de respect pour son père, ou pour son frère, ou pour sa mère, pour ses proches. Car personne n'aimerait qu'on traite sa fille de la sorte. Et toi-même, en tant qu'époux, demain, tu auras peut-être une fille. Comment tu réagirais si tu voyais ton gendre se comporter comme ça avec ta fille? Comme un maton de prison, du matin au soir sur son dos. Quoi qu'elle fasse, elle doit faire un rapport. La moindre erreur, elle est impardonnée. Réprimande sur réprimande sur réprimande sur réprimande. Elle n'a pas supporté au bout d'un moment. Mais la chèque. On ne dit pas de se taire sur tout le mal, mais il faut y aller doucement. Et s'il y a un problème, t'en parles avec le wali. Yamsah, Inch'Allah. Wakaza. Donc, et la troisième catégorie, قال من لاحظ الأمرين ووازن بينهما وعمل زوجها بمقتضى كل واحد منها وازن منصف ولكنه قد حرم الكمال. Et le troisième, c'est celui qui a su analyser, observer les deux côtés, ses défauts, ses qualités. Il a repéré les deux. Et se comporte avec elle en mesure des deux, de ses défauts et de ses qualités. Il a dit, lui, il est équitable. Cependant, il était privé de la perfection. La perfection, c'est lequel? C'est le premier. Qui réussit à passer outre des défauts. D'accord? Mais on précise bien quand on parle de défauts, là. De défauts, c'est des choses liées au comportement. On ne parle pas de choses qui amènent à léser. Il faut bien comprendre de quoi on parle, là. D'accord? Des choses qui amènent à causer du haram. On est bien d'accord par rapport à ça. Voyez, مثلاً, un exemple, ta femme, elle cuisine mal. Ça, c'est un défaut, par exemple. D'accord? Mais encore, il y a des frères, c'est pas important pour eux. Mais bon. Ta femme, مثلاً, elle cuisine mal. Mais elle t'obéit. D'accord? Par exemple, tu dis à Ya Habibati, Mesalen, est-ce que tu peux me faire tel plat? J'ai faim. Barakallahu fiki. Mufadlaki. Elle va te faire le plat, comme tu l'as demandé, un exemple. Elle te ramène le plat. Et le plat, quand elle m'a chafarelle, c'est pas terrible. Et ben là, tu commences à la gronder. Hada ma yasla hada. Ma yasla hada. D'accord ? Ça se trouve, elle a fait une erreur. Laisse-lui l'occasion de se reprendre. Et au pire des cas, on dit que tu lui dis, et malgré tout, elle n'arrive pas à faire le plat. Bah, elle n'arrive pas à faire le plat. C'est quand elle a machafa, elle n'arrive pas à le faire. C'est pas tout le monde qui a forcément le doigté pour pouvoir faire la chose. Alors, c'est patient. Tu dis, bah voilà, j'ai ce plat-là. Bah, je suis avec une femme, j'aurai pas ce plat-là. C'est pas grave. C'est pas grave, après. Ça t'éloigne pas du Jannah. Mais à côté de cela, elle trouve un comportement avec toi qui est exemplaire. Elle t'obéit. Moi, je ne parle pas d'une femme, tu dis, ouais, fais-moi un plat, dis, ouais, vas-y, s'il te plaît, je suis fatigué, j'ai pas le temps, va au restaurant, va au McDo. Non, ça, non. Je ne parle pas de ça, moi. Je parle d'une femme, elle te rend ton droit, elle se comporte bien, mais elle a des lacunes dans certains points. Tu vois. Comme toi, tu vas en avoir également. Mathalène. Vous voyez ? Voilà. Donc, les défauts, comme ça, eh ben, t'en fais pas une cause de remontrance à tout va. Et patiente. Yachit, tu n'auras jamais l'épouse qui aura le physique que tu attends, qui aura la religion que tu attends, qui aura le ilm que tu attends, qui aura le comportement que tu attends, qui aura peut-être même les biens, la richesse que tu attends, qui va te donner le nombre d'enfants que tu attends. Que... Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas pas avoir ça. Tu n'auras pas ça, ça n'existe pas ça. Tout comme pour la femme. Elle n'aura pas l'homme qui va remplir toutes les qualités. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas ça. Tout comme pareil, demain tu vas faire un exemple, l'Aïjala quelque part. Tu n'auras pas tous les avantages que tu as connus et tu auras un pays d'islam, tu vas trouver plein de défauts, même des choses pires que tu n'as pas connues en France. Tu n'auras pas, tu ne pourras jamais tout rassembler dans une situation. Il y aura toujours des défauts et des qualités, toujours. Et tu auras des fois des qualités qui sont immenses et des défauts qui sont immondes. Mais, regarde derrière ce qu'il en est. D'accord ? Regarde derrière ce qu'il en est. Et vois ce qui t'est profitable. Tant que ça t'a, dans ton religion, dans ta religion, ça ne te nuit pas, au contraire, tu arrives toujours quand même à avancer. Ça ne t'éloigne pas dans la Azawajal, de son messager, de la voie à suivre. Ce genre de choses, khalas, accroche-toi à cette chose-là. Même si les défauts derrière qui vont derrière. Là où ça va plus, vraiment, c'est quand on commence à nuire à la religion. Vraiment. Là, oui. Là, oui. Et donc, qu'on n'oublie jamais nous-mêmes lorsqu'on fait des remontrances à nos femmes, qu'on n'oublie jamais nous-mêmes qu'on est en... nous sommes en droit de recevoir des remontrances également. D'accord ? Faut rester équitable autant que possible. Après, ça y a des fois dans la colère. On s'oublie. La salah ya fouanna. Des fois, on est poussé à bout dans la colère. On accumule, et puis un jour, on craque. On se suffit avec l'épouse. Et là, comme on dit, on vit notre sac. Et là, tu balances tout d'un coup. Ben, c'est dur pour son Nafsaël. C'est sûr. C'est sûr. Mais dans ce moment-là, faut se rappeler que nous sommes des êtres humains. Mais si jamais, wallah, la personne, elle prend des remontrances, elle reconnaît son erreur et qu'elle veut rattraper. Haram alayka antaruddaha ba'dada. Ça devient pour toi illicite de refuser ses excuses et de refuser d'admettre ses efforts. Ça sera dans, tu rentreras dans l'ingratitude là, à ce moment-là. Et là, c'est toi qui deviens injuste. Et mettez toujours ce verset devant vos yeux et dans votre cœur en situation où la akibatu littaqwa. Que la bonne rétribution, c'est pour la piété. Si ton mari te lèse, qu'il est dur, reste juste toi dans ta religion. Ne rends pas le mal par le mal. Ton épouse, pareil, elle est dure avec toi, elle est injuste, ne sois pas injuste envers elle. Ne rends pas le mal par le mal. Car celui qui deviendra injuste, à ce moment-là, il va perdre le secours d'Allah Azzawajal. Et comme je dis souvent, quand il y a une injustice qui se déroule, et qu'on ne peut pas en sortir, alors soit le mazloum, soit pas le zalim. Prends-le comme règle. C'est une injustice qui tombe, qui doit se faire obligatoirement. Alors arrange-toi pour celui qui l'a subi et pas celui qui l'a fait subir. car Allah Azawajal secourt le lésé et non pas l'injuste. Rappelle-toi bien cela. Rappelle-toi bien cela. Et surtout vous, les femmes, vos maris seraient durs, ils seraient excessifs avec vous, ils seraient dans l'abus. Ne dépassez pas les limites pour vous venger ou quoi. Restez sur le nom d'Allah Azawajal, le secours viendra. Soit il s'arrangera, il se calmera, il regrettera, ou soit là, il arrivera une situation qui a une libération pour toi. Mais ne rentre pas dans le jeu, tu me fais du mal, moi aussi je vais me venger de faire du mal. Ça, c'est un jeu, un cercle vicieux, personne ne s'en sort. Personne n'en sort. Alors là, après, ça devient une vie infernale pour les deux. Alors qu'à la base, les deux avaient raison. Mais il n'a pas accepté, il a voulu se venger. Là, c'est devenu injuste comme l'autre. C'est fini comment maintenant? Cercle vicieux. C'est un match de tennis à la maison. Je te renvoie la balle, tu me la ronges, je te fais un smash, tu me fais un revers, ainsi de suite. La vie, elle devient insupportable. Voilà, Moustaha. Donc voilà ce qu'on a pris par rapport à ces hadiths-là aujourd'hui. Naktafi bi hadhal qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.